Brug arriva en compagnie de son père, vêtu d'une chemise pourpre et d'un pantalon noir. Il venait d'agonir son père de récrimination, et le vieil homme, patient mais las, se faisait une joie de sortir quelques heures. Brug sacrifia ses coutumes mondaines, virevoltant autour des groupes de convives en leur proposant à boire et à manger avec un excès de zèle particulier. Serena, au bras de Melchior, l'observait du coin de l'œil, échangeant des propos anodins avec sa sœur et son beau-frère. Anna avait été accaparée dès son arrivée par les attentions de Gauthier, qui paraissait démesurément heureux de cette réunion. Olga resta un peu auprès de sa fille, qui, malgré des efforts pathétiques de vêtements et de maquillage, arborait une mine défaite. Puis elle s'adonna elle aussi à ses mondanités exubérantes, se réjouissant haut et fort de cette atmosphère festive qui lui avait tant manqué ces derniers mois. Nils, dès qu'il la vit s'éloigner de sa sœur, vint auprès d'elle, et ils restèrent presque toute la soirée seuls, silencieux et réprobateurs. Le père de Brug vint parler avec Serena dès qu'il en eut l'occasion. Elle manifesta un certain plaisir à le voir, ce qui ne fit que renforcer l'amertume qu'il éprouvait à l'égard de leur séparation. « Comment allez-vous, Serena ? » lui demanda-t-il d'un air concerné. « Étonnamment bien, » répondit-elle en souriant. « J'aimais sincèrement votre fils, vous savez. Je ne pensais pas me remettre de sa décision. » Le vieil homme hocha la tête d'un mouvement amer. « Vous avez toujours été la plus forte, Serena. » Brug est si agité, si inconstant. Je m'inquiète pour lui. « Moi aussi, » dit-elle en suivant des yeux son ancien amant. Il les remarqua et demanda quelque chose à leurs hôtes. Quelques instants plus tard, un tango déchirant retentit et fier de son effet, il vint inviter Serena. « Je ne pense pas être incorrect envers Melchior en t'invitant à danser. » Serena hésita un instant, puis elle confia son sac à Melchior, qui, avec une expression sarcastique, leur donnait une bénédiction. Ils retrouvèrent en une fraction de seconde la complicité des corps et des mouvements. Serena savait que Brug en était plus troublé qu'il ne voulait le montrer. Ils avaient à peine conscience des regards portés sur eux, et se laissaient aller un sentiment de reconnaissance, de nostalgie et d'inéluctable. « Tu n'as jamais eu d'égal pour danser, » dit Brug. Serena tourna la tête comme l'exigeait leur pas et ne répondit pas. « Tu voulais me parler ? » demanda-t-elle. « Je voulais me saouler de souvenirs. On m'a interdit de boire. » Serena tressaillit. « On te teste, Brug. Fais attention à toi. » « Je suis fatiguée de faire attention à tout. Tu es heureuse avec Melchior ? Je vais partir, Brug. Tu as reçu les ordres ? Non. » Brug se sentait submergé par une sorte d'angoisse. « Ne me laisse pas avec eux, » articula-t-il. « Je ne voulais pas te laisser, c'est toi qui es parti. Brug, la danse va bientôt finir, il faut que je sache. Si je pars, veux-tu partir avec moi ?» Brug avait accéléré la cadence et dansé avec fièvre. Il imagina en un flash la cale humide, la diarrhée avant les combats, les compagnons de lutte au visage terne, les mauvais repas collectifs, l'enlisement. « Je ne suis pas un héros, » dit-il. « Je suis un foutu nihiliste, tu te souviens ?» Serena n'eut pas le temps de répondre, car ils se figeaient tous deux dans le dernier accord. Elle échangea un bref regard avec lui, puis elle rejoignit Melchior. « La première fois que je t'ai vu, lui dit-il, tu danses avec lui sur le même morceau. » Elle répondit à peine, son attention obnubilée par Brug, chez lequel elle sentait une mauvaise force à l'œuvre. Elle ne fut pas surprise quand il fit teinter son couteau sur son verre. « Regardez-moi bien, mes amis. Je me verse un grand verre d'eau-de-vie pour porter un toast. » Serena regarda Olga, dont les pupilles tout à coup étrécies dardaient une sentence de mort. « Je bois à cette petite communauté si joyeusement réunie. » Il avala son verre cul sec et s'en resservit immédiatement. « Je bois à notre beau pays, qui a fait de nous des êtres raffinés et délicats, sensibles à la beauté des choses et épris de liberté. » Il avala le deuxième verre avec un peu plus de difficulté, mais sa main resta ferme pour renouveler son geste. « Je bois la santé de Melchior, qui hérite de tout ce que j'aimais. » Et il but et se resservit une dernière fois. « Je bois cette eau-de-vie, qui me rendra ivre-mort et moins ivre qu'au mort. » Il s'assit sur le premier siège, le regard troublé parmi le froid jeté dans l'assistance. Puis, peu à peu, les bruits des couverts, des conversations et des objets qu'on déplace d'un couvrir le silence. Tout le monde savait pourtant que la soirée touchait à sa fin. Melchior dut insister pour accompagner Serena, qui demeura silencieuse et pensive durant tout le trajet. Il ne lui demanda pas à quoi elle pensait. Mais son silence aggrava encore l'exaspération qu'il ressentait. Brugge était là entre eux comme s'il était présent. Melchior avait encore le poil hérissé de tant de fatuité et de bêtises. Son toast théâtral l'avait empli d'une sainte colère et l'idée que Serena pût penser à lui, se soucier de lui, ou pire encore, lui conserver de l'amour, le mettait hors de lui. Il guettait chez elle les signes d'un retour à la normale, mais elle semblait aveugle et sourde, et franchissait machinalement les pas qui les ramenaient chez elle. Melchior avait envie de se répandre en griefs et en quolibets, mais il savait qu'elle ne le tolérerait pas. Elle rongeait son frein, doublement agacée par sa jalousie et par la conscience impuissante qu'il en avait. Cette femme, qui parvenait à le mettre, lui, dans cet état ridicule, il avait le devoir de s'en détacher. Mais le désir qu'il avait d'elle était obsédant. Le souvenir qu'il avait de son corps était assoiffé, et l'idée même de la laisser passer la nuit seule, de la laisser ne fût-ce que rêver à ce pantin sans courage, le révoltait trop. Arrivée devant la grille, Serena fit un effort pour le regarder. « Je ne suis pas d'une compagnie très agréable, » observa-t-elle. « Il vaut mieux que je dorme seul. » Melchior avait senti ce coup venir, et cela ne réduisit en rien la blessure. Le silence ne me dérange pas, au contraire. Serena le fixa, et une ombre d'ironie passa dans son regard, pour s'évanouir aussitôt. « Comme tu voudras. » Elle se dirigea vers la fontaine et se déchaussa. Assise sur le rebord, les pieds dans l'eau, elle respirait sombrement les effluves entêtants du jasmin. Melchior se sentait humilié et indigne. Il se haïssait pour cette intrusion dans une solitude où il n'avait aucun droit. Il se méprisait de faire ainsi l'aumône d'une attention qui lui échappait, mais il haïssait et méprisait Brugge bien plus encore et désirait faire plier Serena à son désir coûte que coûte. Alors, après plusieurs minutes de silence, il prit la parole sans réfléchir et sut immédiatement qu'il commettait une erreur sans pouvoir la prévenir. « Je connais le lieu et la date d'une opération de sauvetage. » Ce fut miraculeux. En un instant, Serena était revenue en elle-même, elle le regardait bouche bée, elle buvait ses paroles, elle avait oublié Brugge et demeurait suspendue à son savoir, admirative, respectueuse, religieuse même. Melchior savoura cette victoire qui allait lui coûter cher. Il regarda avidement sa proie, fasciné par l'appât qu'il lui tendait. Il la regarda piaffer d'impatience et il prit le temps de penser la manière dont il lui ferait l'amour tout à l'heure. « Qu'est-ce que tu as dit ? » finit-elle par demander. Le silence avait changé de camp et Melchior fit semblant de chercher ses mots, d'hésiter, afin de prolonger le supplice. « Je ne sais pas si je fais bien de t'en parler. » Depuis tout à l'heure, je retourne les arguments sans parvenir à trancher. Il se peut que cette information soit un cadeau empoisonné. « Comment l'as-tu obtenu ? » murmura-t-elle. « Par hasard. » Il n'en dirait pas plus. Elle n'oserait pas poser de questions. Il fit le tour du bassin, ramassa une brindille, taquina le gros poisson argenté qui dormait au fond de l'eau. Elle suivait chacun de ses mouvements avec fébrilité. Il la regarda, puis s'approcha d'elle et l'embrassa. « À quoi était due la passion de ce baiser ?» se demanda-t-il. « Je sais que tu partiras si je te montre le chemin. Pars avec moi, » dit-elle, et ses yeux étaient si brillants, si avides, qu'il eut presque l'impression qu'elle l'aimait. « Je n'ai pas pris ma décision, » dit-il. « Est-ce pour bientôt ?» demanda-t-elle. « 2 semaines, » répondit-il. « Je te ferai savoir où. Il est plus prudent que tu ne le saches qu'au dernier moment. » Elle leva les yeux vers les arbres, avec un étrange sourire aux lèvres. Il dégrafa sa robe du bout des doigts, lentement, et lui répondit avec empressement. « Brugge aurait tout aussi bien pu ne jamais avoir existé. » Melchior venait d'acheter la passion de Serena pour 15 longs jours, et il se sentait en cet instant plus puissant qu'aucun autre moment de son existence.